pour faire court, je ne sus empêcher que ces paillards me voulussent lâcher. Sur mes deux bras, ils ont la main posée, et m'ont mené ainsi qu'une épousée, non pas ainsi, mais plus raide un petit. Et toutefois, j'ai plus grand appétit de pardonner leur folle fureur qu'à celle-là de mon beau procureur. Que mal mort, les deux jambes lui cassent. Il a bien pris de moi une bécasse, une perdrix, et un levrault aussi. Et toutefois, je suis encore ici. Encore, je crois, si j'en envoyais plus, qu'ils le prendraient, car ils ont tant de glude dans leurs mains, ces faiseurs de pipée, que toute chose où touche est grippée.